15e chapitre. Comment Siegfried fut trahi. Au quatrième matin, on vit 32 hommes chevaucher vers le palais. On annonça à Gunther le Riche qu'il venait le défier. Ce mensonge causa aux femmes grande inquiétude et grande douleur. Ils obtinrent audience et se présentèrent à la cour. Ils dirent qu'ils étaient les hommes de Ljotger. C'était ce roi que la main de Siegfried avait vaincu et qu'il avait amené prisonnier dans le pays de Gunther. Celui-ci salua les messagers et les fit asseoir. L'un d'eux parla. « Seigneur, laissez-nous debout jusqu'à ce que nous vous ayons dit le message qui vous est destiné. Vous avez pour ennemis, vous ne l'ignorez pas, les fils de maintes mères. Ljotgast et Ljotger, auxquels jadis vous avez fait souffrir de grands maux, vous défient. Ils veulent chevaucher contre vous dans ce pays avec une armée. » Le roi commença de s'irriter quand il apprit cette nouvelle. On fit retirer les faux messagers en leur logement. Comment Siegfried ou tout autre aurait-il pu échapper à ces machinations? Mais plus tard, la peine en retomba sur ceux qui les avaient préparés. Le roi allait complotant avec ses amis. Hagen de Trondheim ne le laissait jamais en repos. Les fidèles du roi auraient voulu tout oublier, mais Hagen ne prétendait pas abandonner son projet. Un jour, Siegfried les trouva ruminant leur trahison. Il se prit à les interroger, le héros du Niederland. « Pourquoi le roi et ses hommes marchent-ils si tristement? Si quelqu'un vous a offensé, je vous aiderai toujours à vous venger. » Le roi Gunther parla. « Je suis en peine et non sans motif. Ljotgast et Ljotger m'ont défié. Ils veulent s'avancer dans mon royaume à force ouverte. » Le vaillant héros répondit. Le bras de Siegfried vous aidera avec ardeur et à votre grande gloire. Je traiterai encore ces guerriers comme autrefois. Je transformerai en désert leurs bourgs et leurs terres avant que je revienne. Je vous en réponds sur ma tête. Vous et vos guerriers, demeurez ici. Laissez-moi m'avancer avec les miens vers vos ennemis. Je vous montrerai combien je suis prête à vous servir. Par moi, sachez-le bien, vos ennemis recevront grand dommage. Tes paroles me réjouissent. Répondit le roi, comme s'il était réellement heureux du secours qu'il lui offrait. L'homme déloyal s'inclina profondément avec fausseté. Le seigneur Siegfried ajouta, « N'ayez point de soucis. » Maîtres et écuyers se préparèrent pour l'expédition. C'était pour tromper Siegfried et les siens. Siegfried ordonna à ceux du Niederland de se tenir prêts, et ses guerriers prirent leur équipement de guerre. Ainsi parla le fort Siegfried. « Ô mon père, seigneur Siegmund, restez ici. Si Dieu nous protège, nous serons bientôt de retour au bord du Rhin. Vous demeurerez ici en joie auprès du roi. » On déploya les bannières comme si on allait partir. Il y avait un grand nombre des hommes de Gunther qui ignoraient ce qui était arrivé. Une troupe nombreuse se pressait autour de Siegfried. Ils attachèrent sur leurs coursiers casques et cuirasses. Maints forts chevaliers du pays se préparaient à partir. Hagen de Trondheim alla trouver Kriemhild. Il demanda qu'elle lui donnât son congé, car ils allaient quitter le pays. « Quel bonheur pour moi, dit Kriemhild, que j'ai pu m'attacher un homme qui sache défendre mes bons amis aussi bien que monseigneur Siegfried protège mes parents. Certes, j'en serai fière, dit la reine. Sire Hagen, ami qui m'est cher, pensez à cela, que je suis prête à vous rendre service, et que jamais je ne vous fus hostile. C'est pourquoi laissez-moi conserver mon époux bien-aimé. Il ne doit point porter la peine de ce que j'ai fait à Brunhild. Je m'en suis depuis bien repentie, ajouta la noble femme. Aussi m'a-t-il tant meurtri le corps pour ce motif. Son âme était affligée que j'eusse dit ces choses, mais il s'en est vengé, ce héros vaillant et bon. Hagen a dit, Kriemhild, dame chérie, la réconciliation suivra bientôt durant ces jours. Mais dites-moi comment je puis vous servir au sujet de Siegfried, votre époux. Je le ferai volontiers, ô dame, nul ne s'en acquittera mieux que moi. « Je cesserai de craindre que quelqu'un lui ôte la vie dans la mêlée, dit la noble femme, s'il voulait ne se point livrer à sa trop bouillante ardeur. Ainsi le héros valeureux et bon serait à jamais hors de danger. Vous figurez-vous, ô dame, dit Hagen, qu'on puisse le blesser? Faites-le-moi connaître. Par quel stratagème devrais-je m'y opposer? Pour le garder constamment, J'irai et chevaucherai à ses côtés. » Elle répondit, « Tu es de mes parents et moi je suis des tiens. Je confie mon bien-aimé à ta foi, afin que tu veilles sur mon époux chéri. » Elle lui fit connaître des choses qui auraient dû rester secrètes. Elle dit, « Mon mari est brave et aussi très fort. Quand il tua le dragon au pied de la montagne, il se baigna dans son sang, le guerrier magnanime. C'est pourquoi dans les combats nulle arme n'a pu le blesser. Pourtant, je suis en souci quand il va à la bataille et qu'il s'expose aux coups de lance poussés par la main des guerriers. Je crains de perdre mon époux chéri. Ah, que de fois j'ai eu grand tourment au sujet de Siegfried. Je te dirai à toi, ami qui m'est cher, en toute confiance, tu garderas ta foi envers moi, n'est-ce pas? Où l'on peut blesser mon époux bien-aimé? Je te le dirai, me confiant en ton affection. » Tandis que le sang jaillissait tout chaud des blessures du dragon et qu'il s'y baignait, l'excellent chevalier, une très large feuille de tilleul vint à tomber entre ses épaules. Là, il peut être blessé, et voilà ce qui me cause tant de soucis et de peine. » Hagen de Trondhjem reprit. « Cousez une petite marque sur son vêtement, afin que je puisse savoir où je dois le préserver quand nous serons dans la mêlée. » Elle croyait sauver le héros. Elle préparait sa mort. Elle dit, « Avec de fines soies, je coudrai sur son vêtement une petite croix peu visible. C'est là que ta main doit défendre mon époux quand la rencontre deviendra rude et que, dans la mêlée, il se présentera à l'ennemi. » « Ainsi le ferai-je, ô madame très chérie, » répondit Hagen. Elle pensait la femme qu'il parlait en toute sincérité, et de cette façon fut trahi l'époux de Kriemhild. Hagen prit congé d'elle et partit tout joyeux. Son maître lui ordonna de dire ce qu'il avait appris. « Si vous pouvez empêcher l'expédition, nous irons à la chasse. Maintenant, je connais le secret de me rendre maître de lui. Pouvez-vous arranger cela ?»« Je le ferai facilement, » répondit le roi. Les compagnons de Gunther étaient très satisfaits. Je pense que jamais chevalier ne machina plus grande trahison que celle-ci, tandis que la reine se fiait complètement à sa loyauté. Le lendemain matin, le seigneur Siegfried, avec 1000 de ses hommes, partit chevauchant plein de joie. Il pensait qu'il allait venger l'offense reçue par ses amis. Hagen le suivit de si près qu'il put examiner son vêtement. Quand il eut aperçu la marque, il envoya secrètement deux de ses hommes qui devaient apporter d'autres nouvelles, disant que Liotger les avait envoyés vers le roi pour annoncer que le pays de Gunther demeurerait en paix. Avec quel regret Siegfried retourna sur ses pas avant d'avoir vengé l'injure de ses amis. Les hommes de Gunther le détournèrent avec peine de l'expédition. Il alla près du roi qui se mit à le remercier. « Que Dieu vous récompense, seigneur Siegfried, vous, mon ami, de ce que vous faites si volontiers ce que je vous demande. Je serai toujours disposé à vous rendre service en raison de ce que je vous dois. Je me confie en vous plus qu'en tous mes autres fidèles. Maintenant que nous n'avons plus à conduire notre armée, je veux aller chasser l'ours et le sanglier dans le Vaskenwald, ainsi que je l'ai fait bien souvent. » C'était là le conseil de Hagen, l'homme très déloyal. « On dira à tous mes hôtes que je veux chevaucher de bon matin, que ceux qui veulent chasser avec moi se tiennent prêts, que ceux qui veulent rester se divertissent avec les dames, ainsi ils me feront plaisir. » Le fort Siegfried parla d'une royale façon. « S'il vous plaît d'aller chasser, je vous accompagnerai bien volontiers, mais vous me prêterez un piqueur et quelques chiens courants, ainsi je chevaucherai parmi les sapins. Si vous ne vous contentez pas d'un seul piqueur, répondit aussitôt le roi, je vous en prêterai quatre qui connaissent parfaitement la forêt et les sentiers que suivent les animaux. Ils ne vous laisseront point revenir semblable à un exilé. » Le chevalier magnanime chevaucha vers sa femme. Hagen se hâta de dire au roi comment il comptait vaincre le fier guerrier. Jamais ne s'accomplit une aussi grande trahison. Ses hommes déloyaux préparaient ainsi sa mort, et leurs amis le savaient. Giselher et Gernot ne voulurent pas aller à la chasse. Je ne sais par quelle inimitié ils ne l'avertirent point. Ils en portèrent depuis la peine.